daubes et ceux qui se prennent pour Dieu. Le rap c'est qui a la plus longue, qui a la plus courte. Moi je sais qui reste et quel fils de butor. Whisky je prends la tire, je pousse un 6000 tours. T'es avec moi ou contre moi? Un enculé qui tombe sur un os, c'est un enculé qui est tombé sur moi. Ta rue c'est un front contre un front, la mienne c'est un front contre un 3. 167 on est froid, 187 comme les cages. Toute ma city sur le roi. On l'attache, on prend son rôle, comme si on avait tous les trois. J'ai grandi sur un banc en acier, il a sûrement la forme de mes steps. J'ai pris du fric et j'en veux plus. Mentalité comme mes rêves, un bic et une arme biélorusse. Manqué sur ma putain de neige. Preuve sur ma vie d'avant, t'as un brelan, j'ai la flèche. J'ai au tapis de mer crèche, j'ai la violence, je refais pas mes dents. J'ai pas fini de porter les gants. Quand papa est mort, j'étais à Sky. Un an plus tard, j'suis en réa. Toi et des machines qui l'ont tenu en vie. J'en ai chié mon cœur sur ma vie. Laisse-moi serrer ma main dans mes bras. J't'apprends à rapper en baisse. Laisse-les parler des calibres. Nous, on a rangé en vrai. C'est nous, on leur pousse la perlin. Ça grand remet leur titre. J'fais la magie et j'range jaloux Merlin. Si ta parole en vaut deux, la putain de mienne en vaut dix. Moi, j'ai grandi dans la crise. Comme deux foutus doigts dans une prise. Je veux faire partie du présent. C'est cicatrisé ma peine. Forcément fait de ciment. Partons qu'il y a la peine. Je veux faire partie du présent. Je veux cicatriser ma peine. Forcément fait de ciment. Tu veux t'asseoir à ma table. Mais on dit pas affirmatif. T'es pas d'où je suis natif. Ici on te met des dames. Quand tu t'attaques au S, faut désactiver tes notifs. T'asseoir à ma table, mon rap est ma plus belle étoile. Entre le faire et le dire, je crois qu'il y a la dive. Tu crames et j'en prie, voilà. Je suis calibré devant la lime. Rien que tu fais des dames, rien qu'on fait tout ce qu'on dit. Rien qu'on le fait sur ma vie. Ça sent comme un dame, quand tu OG. Influent ta pensée, on vit à ma team. Avant un drame, un kilo, un cas en grave. Tout pour le bénéfice, et j'ai trouvé mon grade. Il m'a été fier de son fils. Je veux faire partie du présent. Cicatriser ma peine, forcément fait de ciment.